Les podcasts du Collège de France, Histoire. Voilà, bonjour mesdames, messieurs. Je suis heureux de vous retrouver avec une interruption qui a duré un peu plus long que prévu. J'espère que vous n'étiez pas tous devant les grilles fermées la semaine dernière. Si. Alors il faut regarder, bon disons, pas chaque semaine, mais quand il y a des problèmes, regardez sur le site internet. Bon, il me semble que je l'avais vu, mais c'était peut-être mis trop tard après. Ça, c'est... Ah bon. Bon, alors écoutez, au nom du Collège de France, je m'excuse pour ces désagréments et j'espère que dorénavant, ça peut se dérouler comme prévu, avec seulement les interruptions qui vous ont été annoncées. Je vous les dirai. Et je vais aussi me renseigner, il y a encore un petit souci, j'aurais envie en fait récupérer cette heure ou cette heure et demie qu'on a perdue. Il y a encore des petits problèmes de locaux, alors je verrai ce que je peux faire et je vous le dirai. Voilà. Alors, maintenant, il faut... Ah oui, une dernière chose. Vous avez vous avez pu télécharger les tableaux comparatifs avec les trois textes sur la femme du patriarche qui est vendu chez le roi étranger. Je me suis rendu compte qu'il y a quand même un certain nombre de coquilles, donc, et surtout aussi pour Genèse 26, je me suis dit qu'il vaudrait mieux traduire un tout petit peu plus. Donc si vous voulez, mais ça va très bien avec ce que vous avez, vous corrigerez vous-même les petites erreurs. Autrement, si vous souhaitez, j'ai envoyé donc, pour le site une nouvelle version. Donc, pour les puristes, vous pouvez trouver une version améliorée sur le site. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre. On a déjà vu un tout petit peu, mais je vais quand même vous rappeler brièvement parce que on peut pas avoir ça en tête pendant trois semaines. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'abord de nous intéresser à la première histoire, à Genèse 12, et ensuite voir pourquoi une seule histoire qui a un côté quand même un peu anecdotique a priori, pourquoi est-ce qu'on pense de devoir la raconter trois fois, évidemment avec des variantes, mais vous allez voir, ça nous apprendra pas mal de choses aussi sur la logique des rédacteurs de la Torah, du Pentateuque. Et puis voilà. Donc je vous rappelle le texte. Il y a encore quelques places par là, si vous êtes debout, ici à gauche ou à droite, selon vous avez des places. Voilà. Il y avait une famine dans le pays. Alors Abraham descendit en Égypte pour y séjourner comme immigré. En effet, la famine pesait sur le pays. Lorsqu'il fut sur le point d'arriver en Égypte, il dit à Sarah et sa femme, « Voici donc, je sais que tu es une femme belle à regarder. Il arrivera que les Égyptiens te verront et ils diront, « C'est sa femme. » Ils me tueront, moi, et toi, ils te laisseront vivre. Dis donc que tu es ma sœur pour qu'il m'arrive du bien à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » Et lorsqu'Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens virent la femme. En effet, elle était très belle. Les princes du Pharaon la virent et chantèrent ses louanges auprès du Pharaon. La femme fut prise dans la maison du Pharaon. Quant à Abraham, il le traita bien à cause d'elle. Il reçut du petit bétail et du grand bétail, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Alors Yahvé frappa le Pharaon de grands coups, ainsi que sa maison, à cause de Sarai, la femme d'Avram. Le Pharaon appela Avram et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé quelle est ta femme? Pourquoi as-tu dit, elle est ma sœur? Et moi, je l'ai prise comme femme. Et voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Il donna des ordres le concernant à des gens, et ils le congédièrent, lui, sa femme et tout ce qui était à lui. Voilà, petit rappel de cette histoire qui donc suit immédiatement dans le récit sur Abraham son arrivée au Negev. Donc il était arrivé dans le sud et puis tout de suite il va en Égypte. Alors pourquoi Abraham va-t-il en Égypte? Le texte nous parle d'une famine, c'est un motif très courant dans la Bible hébraïque. Vous pouvez penser à l'histoire de Joseph. Vous pouvez penser aussi à Ruth, au livre de Ruth. Là, on ne va pas en Égypte, on va dans le pays de Moab. On parle aussi d'une famine à l'époque de David. Donc, c'est en effet quelque chose tout à fait courant, connu, craint par les habitants de Canaan. Et les textes et les images égyptiens attestent fort bien ce mouvement de la Palestine vers l'Égypte. Donc ça, ce n'est pas une invention du narrateur, c'est lui qui apprend qu'on descend en Égypte pour des raisons de famine. Bah, il trouve en effet un certain nombre de textes égyptiens. Je vous en ai mis ici un texte qui est illustré, puisqu'il vient d'un tombeau d'un ancien général devenu pharaon, Horemheb. Et là, sur cette image, vous voyez aussi des Asiates, comme disent les Égyptiens, arrivant donc en Égypte. Et le texte dit « Beaucoup d'étrangers qui ne savent pas comment vivre sont venus. Leur pays meurt de faim et ils vivent comme les bêtes du désert. » Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait, compréhensible pour l'auditoire d'un texte comme Genèse 12. On sait, on va en Égypte. Maintenant, Abraham va en Égypte pour y séjourner. Pour y séjourner, mais là, justement, on a des problèmes de traduction. Pour y séjourner, pas seulement séjourner, avec un statut tout à fait précis, c'est donc le mot « guerre ». « Guerre » ou la racine « gour », qui est une racine du sémitique de l'Ouest, surtout attestée comme un substantif. En phénicien, très très souvent, on le trouve avec justement la signification de « client », ce qui est en effet une bonne traduction. C'est-à-dire un « guerre », c'est quelqu'un qui s'installe dans un autre pays pour une longue durée. Ce n'est pas quelqu'un qui vient passer quelques jours ou quelques semaines, c'est quelqu'un qui va pour y rester un certain nombre de temps. Donc quelqu'un qui aura besoin aujourd'hui d'un permis de séjour. Donc ce n'est pas un court séjour, donc il faut y rester. Et apparemment, d'après ce qu'on peut voir selon les textes législatifs juridiques de la Bible, parce que le guerre est en effet mentionné dans tous les textes de loi, dans le code d'alliance, dans le code de sainteté et dans le code deutéronomique, le guerre a un statut en effet juridique. Et là, ça le distingue en fait du nokri, qui est le simple étranger, qui n'a pas de droit. Le guerre reçoit un statut qu'on peut comparer au metoikos, au metek, en fait, des cités grecques. Donc, il est intégré dans la société d'accueil. Alors, selon les textes bibliques, il n'a pas le droit de posséder du terrain. Il fait partie des faibles de la société. Donc, souvent, on a dans les textes cette insistance, il faut, en effet, s'occuper du guerre, il faut le protéger, toujours avec justement cette motivation. Souvenez-vous que vous avez été vous-même des guerim en Égypte, donc n'allez pas exploiter, n'allez pas profiter en fait du guerre. Selon certains textes bibliques, il participe à des sacrifices, à des actes cultuels, il peut participer à la Pâque, etc. Et dans la Septante, dans la traduction grecque, on traduit par prosélytus, donc prosélytos, par prosélyte, ce qui évidemment est déjà un peu un changement de la signification du terme à l'époque grecque, n'est-ce pas, où on considère le guerre comme prosélyte, ce qui marche pour certains textes, mais pas pour tous les textes. Il est également possible, on a émis cette hypothèse, que dans certains textes, notamment dans le Code d'Alliance, dans le livre de l'Exode, le guerre signifie tout d'abord les anciens habitants du royaume d'Israël. Donc vous savez, en 722, quand Samarie était détruite, M. Finkelstein vous en a parlé aussi, il y a ce mouvement d'Israël, de Samarie vers Juda. Et puis on peut imaginer que ce qui est mis en place pour protéger les guérims, pour leur donner un statut, vise d'abord peut-être ces anciens habitants d'Israël. Ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi il y a cette insistance que les guérims peuvent participer à tout ce qui concerne le culte, au sacrifice, au Shabbat, à la Pâque, etc. Mais ce n'est pas exclusif. Donc, dans la Bible, « guerre » a bien un sens plus large, bien que dans certains textes, ça peut viser cette population en particulier. Dans les textes plus récents, dans les textes provenance sacerdotale, donc vous vous souvenez de ce milieu important qui sont les prêtres, guerre reçoit en fait une sorte de signification théologique. Par exemple, pour P, donc pour les auteurs sacerdotaux, les patriarches sont considérés, non pas seulement quand ils sont en Israël, puisque là nous allons, pardon, pas seulement quand ils sont en Égypte, ça c'est notre texte qui dit ça, et c'est un texte ancien, mais aussi lorsqu'ils sont en Canaan même, ils sont constamment considérés comme étant des guérim. Par exemple, le pays de Canaan est appelé dans les textes de provenance sacerdotaux le pays où vous séjournez comme des guérim. Donc le pays n'appartient pas aux patriarches, même si Dieu leur donne cela. Et ceci correspond en fait à ce que dit le chapitre 25 du Lévitique, qui vient un peu du même milieu producteur, et qui dit « La terre du pays ne sera pas vendue sans retour, car le pays est à moi », donc c'est Yahvé qui parle, « vous n'êtes que des guérim et des hôtes, des toshavim », c'est un autre terme, que nous n'allons pas maintenant discuter. Donc il y a un peu un changement de signification que prend ce terme de « guérim » et qui est appliqué dans les textes sacerdotaux pour dire « la terre n'appartient à personne, sauf à Yahvé ». Donc on a une sorte de droit d'usufruit, mais on ne peut pas réclamer une possession perpétuelle de ce pays. Par contre, dans les textes de Genèse 12 que nous avons maintenant à discuter, dans ce texte, c'est évidemment le statut d'Abraham qui est ainsi décrit. Et ça nous amène en effet à la question pourquoi Abraham invite sa femme de se faire passer pour sa sœur. On peut dire qu'il n'a peut-être pas totalement tort, parce que beaucoup des textes de la Bible attestent que les guérim, les immigrés, sont souvent exploités. D'où cette insistance, faites attention de ne pas maltraiter les guérim. Je vous ai mis ici un exemple. Tu n'exploiteras pas ni opprimeras le guer, car vous avez été des guérim dans le pays d'Égypte. Donc, la peur d'Abraham se base peut-être sur cette idée. De même, en pensant à des récits comme 2 Samuel 11 ou 12, on se rend compte aussi que les puissants ne se gênent pas lorsqu'ils veulent la femme d'autrui. Donc là, on peut penser à l'histoire de David, qui n'a pas peur de faire assassiner le mari de Bathsheba qu'il veut épouser. Et évidemment, il exécute son projet, bien si après il est en effet par l'arrivée de Nathan, il est en effet très gravement accusé. Ceci dit, il a quand même les moyens de obtenir la femme de quelqu'un par le meurtre. Donc, il y a peut-être tous ces textes qui sont en arrière-fond. Maintenant, Abraham dit à Sarah, tu es très belle. Alors, pourquoi pas? Maintenant, les rabbins ont déjà vu que ça pose un certain problème si on lit ce texte à l'intérieur d'une chronologie. Si vous vous souvenez du texte que nous avons déjà discuté, en Genèse 12, au verset 4, Abraham a 75 ans lorsqu'il part de Haran pour aller au Canaan. Et puis, en Genèse 17, toujours selon cette même chronologie, Sarah a 90 ans et Abraham a 100 ans lors de la naissance d'Isaac. Donc, ça veut dire qu'ici, il devrait avoir entre 65 et 70 ans. C'est déjà un âge bien, bien avancé. Alors, donc, on a imaginé toutes sortes de choses, n'est-ce pas? La tradition juive souvent dit que si Sarah a pu enfanter son premier enfant à 90 ans, elle a dû être encore très belle à 65. Calvin a dit « mais les femmes sans enfants, elles restent belles très très longtemps ». Tout est possible. Seulement, je pense qu'on peut avoir une explication beaucoup plus simple, c'est qu'en effet, ce récit ne connaît pas la chronologie sacerdotale. Donc c'est un autre exemple qui vous montre comment on a combiné après coup ce texte. Donc évidemment, au moment où ce texte a été mis par écrit, où ce texte a été transmis, cette chronologie n'était pas encore rédigée et surtout ce texte n'était pas encore combiné avec le matériau qui nous vient de l'école sacerdotale. Donc nous avons affaire à un texte bien plus ancien. Alors, la proposition d'Abraham de faire passer sa femme pour sa sœur. On a parfois invoqué des parallèles de Nousi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous l'avons vu, Nousi, donc un royaume important, mais donc pas sémitique, en haut, à droite, si vous voulez, à l'est du Tigre, qui nous a fourni toute une documentation du deuxième millénaire, je ne vais pas y revenir, où on a pensé lire un texte selon lequel il existait une sorte de mariage spécial, où le mari aurait adopté sa femme comme sa sœur. Puis on a toujours mis cela en rapport avec Genèse 12. Alors, même si c'était vrai, et ce n'est pas vrai, Genèse 12 n'est pas du tout à comprendre dans ce sens-là, parce qu'en Genèse 12, c'est une stratégie d'Abraham qui veut que sa femme dise autre chose. Et puis, en fait, les textes nous y, qui ont été retravaillés, réédités, montrent en fait simplement que c'est tout autre chose qu'un frère, en absence du père qui est mort, a le devoir de s'occuper du mariage de sa sœur. Ce qui est tout à fait attesté dans toute la Mésopotamie, dans tout le Proche-Orient ancien. Donc, ce n'est pas quelque chose de comparable. Alors, par contre, on peut penser, si c'est un texte du 7e, 6e siècle, on va y revenir sur la date, qu'il existe des textes mariage égyptiens, justement, de l'époque saïte, donc du 7e, 6e siècle, où l'époux peut appeler sa femme sa sœur. Mais en fait, on n'a peut-être même pas besoin d'aller aussi précisément dans un contexte égyptien, parce que si vous lisez le Cantique des Cantiques, donc vous voyez très bien que les amoureux, entre eux, s'appellent frères et sœurs. Et puis, ce n'est pas des frères et des sœurs biologiques. Donc, c'est une manière d'exprimer son affection et son lien très, très étroit. Certains évoquent aussi le fait qu'à la cour égyptienne, apparemment, il existe entre le pharaon et ses sœurs, parfois, une sorte de coutume de mariage consanguin pour justement garder la pureté de la lignée royale, ou alors aussi pour imiter le couple divin Osiris et Isis, également frères et sœurs. Tout cela est possible comme arrière-fond, mais en même temps, ce que le texte veut montrer, que Abraham fait passer sa sœur pour quelqu'un d'autre, ce qu'elle est en réalité. Alors, ça peut être inspiré par toutes sortes de ce thème que je vous ai annoncé, mais l'enjeu, c'est ça. Et on va voir pourquoi. Parce qu'il y a une transgression de quelque chose. Il n'y a pas simplement une coutume qu'Abraham aurait simplement à appliquer. Non, c'est une transgression. Maintenant, il dit à Sarah, « Dis donc que tu es ma sœur. » Et ce qui est intéressant, Sarah, elle fait quoi ? Elle dit rien. En fait, elle dit absolument rien. Dans ce texte-là, elle dit rien du tout. Donc, on ne sait pas si elle est consentante, si ça la gêne, si ça l'amuse. On n'en sait rien, n'est-ce pas ? Donc, là, le narrateur ne nous précise pas ce que Sarah a bien pensé. Alors, Sarah est tellement belle qu'elle très vite attire l'attention des Égyptiens. Ils peuvent aussi penser, dans un autre sens, à la beauté de Joseph en Égypte, avec l'histoire de la femme de Potiphar, où c'est aussi un Hébreu qui, à cause de sa beauté, aura quelques ennuis. Et ici, donc, évidemment, nous avons aussi un jeu de mots, puisque sont les princes du Pharaon, les Sarais, qui vont découvrir Sarai, la princesse, n'est-ce pas ? Donc, c'est les Sarais qui vont parler au Pharaon de la princesse. Il joue les intermédiaires. Parfois, on a dit, mais ce verset-là est peut-être un ajout, parce qu'après, lorsque Pharaon discute avec Abraham, va lui dire, c'est moi qui l'ai prise, mais je ne pense pas qu'il faut être là. Ça, c'est un peu, disons, trop subtil. Ici, on fait intervenir ces princes, parce que, justement, on a besoin de ces intermédiaires, et aussi parce qu'on aime bien, en hébreu, ça vous allez le voir, dans la Bible, on aime beaucoup de jeux de mots. Il y a constamment ce qui ne facilite pas la traduction, mais ce qui montre en fait l'importance du double, triple ou quadruple sens de certains textes, de certaines expressions. Ça, c'est très, très important. Alors, le pharaon, c'est qui ? Le pharaon ne porte pas de nom, comme dans l'Exode, comme dans l'histoire de Joseph. Donc, évidemment, ce n'est pas une histoire qui raconte un événement historique. Nous avons ici le pharaon comme symbolisant tout simplement l'Égypte. Comme d'ailleurs même le titre pharaon, c'est un titre qui n'est pas vraiment directement, disons, repris de... Ou alors, disons autrement, à l'origine, ce n'est pas le titre royal en Égypte. Pharaon, ça veut dire la grande maison, et c'est d'abord un titre qui désigne le palais du pharaon. Et c'est seulement petit à petit, à partir du 8e siècle, que ça devient aussi un titre pour le pouvoir. C'est un peu comme on dit la Maison Blanche ou l'Élysée, pour parler du pouvoir. Donc c'est important que Pharaon ici reste anonyme, parce que ce qui est en arrière-fond, c'est bien la relation entre Israël, entre guillemets, et l'Égypte. C'est un grand thème qui va accompagner toute la Bible, avec évidemment des positions très, très diverses, mais ici, c'est pour la première fois qu'on va s'interroger sur la relation entre Israël et en Égypte. Et puis, on peut encore penser aussi, parce que évidemment, Sarai, elle est prise dans le harem, donc on peut bien imaginer, et le récit l'imagine sans doute, que Sarai est vraiment devenue la femme du pharaon. Donc, elle n'était pas seulement prise là pour que le pharaon contemple sa beauté, mais il y a bien un rapport qui s'est installé. Donc, Sarai est devenue la femme de Pharaon, comme plus tard, Salomon devient le mari d'une fille du Pharaon. Donc, il y a une sorte aussi là de prélude un peu à l'envers pour ce récit que vous avez dans les livres des rois. Donc, voilà, juste si vous voulez voir un harem égyptien, je vous ai mis là quand même une petite image. Et puis, donc, c'est à partir de ce moment-là que les choses commencent à se compliquer et aussi à se résoudre d'une certaine manière. Première chose d'abord, c'est que Abraham s'enrichit grâce à ce stratagème. Donc, de nouveau, ce texte ne connaît pas le récit sacerdotal où Abraham, où la famille d'Abraham est déjà riche quand ils partent Ur de Haran, n'est-ce pas ? Puisque nous avons vu dans les textes sacerdotaux qu'ils partent déjà avec tous leurs biens, leurs possessions. Ici, dans ce récit ancien, en fait, les richesses d'Abraham sont liées à une sorte de dot qu'il reçoit pour Sarai. Et c'est les chameaux d'Abraham, bon, ça, je vous le dis juste en passant, ils ne sont pas très importants, ils reviennent simplement au chapitre 24, quand on a besoin d'aller chercher une femme pour Isaac en Mésopotamie. Donc les chameaux, évidemment, sur le plan sociologique, chameaux, ça présuppose des bédouins, en fait, ou des proto-bédouins qui élèvent, domestiquent les chameaux. Et Abraham est rarement, en fait, décrit comme un bédouin. c'est plutôt rare. Et ici, les chameaux sont introduits pour préparer un texte récent, donc c'est certainement un ajout. Alors, maintenant, Yahvé intervient par des coups. En hébreu, simplement, Yahvé frappa la maison de Pharaon. Les coups, naga, c'est pas très bien. Le texte dit pas comment a-t-il frappé la maison de Pharaon, avec quoi. Alors, si vous faites la statistique, vous regardez dans la concordance, vous trouvez que dans le livre du Lévitique, naga s'applique souvent à des maladies de peau, donc peut-être même des maladies vénériennes, c'est possible, mais on doit rester au niveau de la spéculation. Par contre, il y a certainement une allusion à la traduction de l'Exode, n'est-ce pas ? Parce que c'est un mot qui est utilisé pour parler des plaies d'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse, je vais amener une dernière plaie, naga, nega, sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. Le même verbe qu'on va retrouver après quand Pharaon renvoie Abraham. Donc, il y a là certainement un lien avec l'Exode. Bon, ça, c'est un texte, Exode 11, je ne vais pas aller dans le détail, ça va vous ennuyer, mais c'est un texte qui est souvent considéré comme un texte assez récent à l'intérieur des récits des plaies, ce qui a amené certaines exégètes à dire aussi que Genèse 12, 10 doit, et suivant doit être également un texte ancien, mais le thème des plaies est quand même plus général, et je pense quand même qu'on peut maintenir l'ancienneté de notre texte, l'ancienneté relative, bien sûr. Mais regardez simplement le psaume 78 ou le psaume 105, vous trouvez d'autres séries de plaies qui sont très différentes de celles du livre de l'Exode, donc c'est quand même un thème plus ancien que celui ou le seul texte du chapitre 11 de l'Exode. Alors, on peut se poser une question. Pourquoi Pharaon, qui a agi sans se rendre compte d'avoir commis une transgression, pourquoi c'est Pharaon qui est frappé par Yahvé? Il n'a rien fait, disons, il ne savait pas. Hein, il a agi, en pensant en effet que c'est la sœur qu'il a bien payée en plus, donc pourquoi c'est lui qui est frappé. Là, il faut savoir que le Levant, avec l'Égypte et aussi d'une certaine manière avec la Mésopotamie, partage une idée très importante qu'on peut appeler l'ordre du monde. C'est peut-être une traduction un peu curieuse, peut-être ceux qui suivent aussi des cours liés à l'Égypte, vous avez déjà entendu parler de la Ma'at. La Ma'at, c'est typiquement ce concept-là. La Ma'at, c'est d'abord l'idée d'un ordre qui doit être respecté à tout prix. Il faut vous imaginer ça comme un jeu de Mikado. Donc c'est un ordre très fragile. Et si on enlève de manière inattentive juste un petit bâtonnet, tout peut s'écrouler. D'où le fait aussi que n'importe quelle action qui est contraire à l'ordre peut provoquer l'effondrement de cet ordre. Donc en Égypte, la Ma'at, elle est d'abord l'hiéroglyphe de la Ma'at, c'est une plume. Et après, elle devient une déesse qui est coiffée de cette plume, la plume symbolisant à la fois la fragilité, mais aussi la souplesse, donc on peut aussi s'adapter, mais aussi peut-être l'outil du scribe, hein, parce que c'est aussi les scribes qui transmettent après les proverbes, etc., qui disent comment il faut se comporter. Mais l'idée de ce Ma'at, c'est que même si vous ne le savez pas et vous agissez contraire à ce Ma'at, il doit y avoir une sanction, il doit y avoir un rétablissement de l'ordre, n'est-ce pas ? Donc, même une faute inconsciente doit être réparée. Vous avez cela aussi dans le livre du Lévitique, il y a des sacrifices prévus pour des fautes qu'on ignore, hein, ou qu'on commet sans le vouloir. Donc, c'est cette idée, en fait, que tout est... doit être à sa place. Et donc, même si l'on pense que c'est juste, bah, ce n'est pas forcément juste. Donc là, je vous ai mis un de ces proverbes. « Tout chemin de l'homme est droit à ses yeux, mais c'est seulement Yahvé qui pèse les cœurs. » Donc l'idée, en effet, c'est que c'est lui, même en pensant qu'il agit justement, s'il agit contrairement à cet ordre, il va être sanctionné. Et c'est exactement ce qui arrive ici. Donc Dieu se prend au Pharaon parce que c'est lui qui a transgressé l'ordre, bien qu'il ne le savait pas. Alors, l'accusation que Pharaon maintenant porte à Abraham, « Qu'as-tu fait ?» c'est presque une formule juridique. Ceux qui connaissent bien la Bible, vous pouvez penser, c'est la même question qu'il posait déjà à Adam, lorsqu'ils ont mangé la fameuse pomme. C'est aussi une question qui est posée à Caïn quand il a tué son frère. Donc c'est moins une vraie question qu'une sorte d'accusation. C'est rhétorique, en fait. Et selon certains auteurs, peut-être ce texte fait même allusion à ces textes de Genèse. Je ne suis pas tout à fait sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de punition. Le pharaon, en fait, aura très bien pu, faire suivre les coups qu'il a reçus, lui, de Yahvé, à Abraham. Mais Abraham n'est pas puni. Ça, c'est très intéressant. Il est renvoyé avec toutes ses richesses et, de nouveau, avec une allusion très claire au récit de la sortie d'Égypte. Parce que le mot « shalach », qu'on peut traduire par « renvoyer », qu'on peut aussi traduire par « laisser partir », ça peut avoir des connotations positives ou négatives, et justement un mot qui revient constamment dans l'histoire de l'Exode. Je vous ai juste ici mis un texte du chapitre 5, où la première fois donc Moïse va trouver Pharaon, et c'est lui qui dit « Qui est ce Yahvé ?» que j'écoute sa voix pour laisser partir, pour envoyer Israël. Je ne connais pas Yahvé, et Israël, je ne le renverrai pas. Alors c'est intéressant maintenant, si vous comparez cela, ce pharaon-là, avec le pharaon de Genèse 12. C'est juste le contraire. Le pharaon de Genèse 12, tout de suite, il connaît Yahvé, puisqu'il renvoie Abraham et il écoute, ou disons, il tient compte des plaies qu'il a reçues. Alors que le pharaon de l'Exode, au contraire, les plaies qui s'accumulent, il n'en tient pas compte. Donc là, je crois qu'il faut garder ça en tête pour bien comprendre la fonction de ce texte. Parce que, évidemment, on pourra aussi, si on avait du temps, on pourra aussi faire un peu un sondage. Comment vous lisez ce texte? Quelle est sa fonction? Qu'est-ce qu'il veut faire passer, ce texte? Ce n'est pas évident. Et si on regarde un peu, je vous ai fait un petit florilège, j'en aurais pu rajouter d'autres. Si vous regardez un tout petit peu les différentes opinions, bah, vous verrez qu'il y a toutes sortes d'idées. Alors Gunkel, un des premiers commentateurs de la Genèse dont je vous ai parlé, dit « c'est simplement un récit populaire qui vante la ruse de l'ancêtre ». On est tout content de raconter cela, comment Pharaon a été un peu victime de cette supercherie d'Abraham, et puis il a laissé partir avec tous ses biens. Et donc finalement, Abraham a très bien fait d'agir comme ça. Ça vous convainc? Alors il y a les autres qui disent, justement, les von Rad, les Tzimmerli, d'autres, non, c'est une sorte de chute d'Abraham, c'est son péché originel. On va dire Abraham ici, il se comporte comme Adam, comme Caïn, hein, puisqu'on fait ce lien que je vous ai montré tout à l'heure avec Genèse 3. Donc c'est la plus grande faute du patriarche. Donc on va raconter cela comme une histoire très théologique. On dit l'ancêtre du peuple, bah, d'emblée, il a commis une grande faute. Je ne sais pas si c'est très convaincant non plus. Alors après, vous avez les lectures féministes. M. Kruseman qui dit que ça montre que, contrairement à ce qu'on dit, la Bible n'est pas anti-féministe. En effet, Dieu intervient pour sauver une femme opprimée, maltraitée. Elle n'était peut-être pas si maltraitée dans le harem, on ne sait pas. Parce que, en fait, ce qui est important, comme le rappelle aussi Bloom, Sarai, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est quand même la femme du patriarche qui est à l'origine du peuple, n'est-ce pas ? C'est celle-là qui est mise en danger. Et donc, du coup, aussi tout l'avenir de la descendance du patriarche. Alors, il y a aussi des théories plus historicisantes, ou disons qui essayent plus particulièrement de mettre ce texte dans une situation historique précise. C'est le cas de Peter Weimar, qui, lui, date ce texte très précis. Donc, ce sera magnifique si on pouvait dater tous les textes comme ça. C'est un texte qui est écrit entre 705 et 701. Ça, il faut le faire. C'est très bien. Donc, il dit, en fait, ça reflète la situation de ces années où, en effet, on sait, en lisant le Livre des Rois, mais aussi avec l'aide des documents assyriens, que, en effet, Ézéchias a cherché appui auprès de l'Égypte, contre les Assyriens. Donc, il a envoyé, Jérusalem étant assiégée par les Assyriens, Ézéchias voulait, en fait, demander du renfort auprès du Pharaon. Et vous avez des textes, dans le livre d'Ésaïe notamment, où Dieu, par la voix du prophète, accuse le peuple, justement. Ils descendent en Égypte sans me consulter. Ils vont se mettre en sûreté dans la forteresse du Pharaon, se réfugier à l'ombre de l'Égypte. Donc, le texte serait une sorte de, comment dire, narration de cette polémique contre l'idée de faire alliance avec l'Égypte. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est aussi un peu difficile, me semble-t-il, parce que contrairement à ces oracles prophétiques où l'Égypte est quand même vue de manière très négative, je ne vous ai pas mis tous ces oracles, ici, est-ce que l'Égypte est vraiment vue de manière négative ? Pharaon, quand même, se comporte de manière tout à fait exemplaire. Certes, Abraham n'a peut-être pas intérêt de rester en Égypte, mais de dire que c'est une polémique contre cette situation-là, je ne pense pas. Parce qu'il y a une autre image de l'Égypte. Et puis, dernière tentative, c'est de Oswald, qui dit que c'est une polémique, en fait, contre la diaspora juive en Égypte. Donc, c'est un peu la même idée de Weimar, seulement il le date plus tard. Il dit en effet que c'est un texte qui met en garde contre l'idée que l'Égypte pourrait en effet être un pays d'accueil, parce qu'on sait, on y reviendra aussi là-dessus, qu'on sait qu'après la destruction de Jérusalem en 587, pas tout de suite après, mais quelques années après, il y a tout un mouvement vers l'Égypte qui est très critiqué aussi dans le livre de Jérémie, chapitre 43, « Ne descendez pas en Égypte ». Et donc, on aurait cela. Mais de nouveau, il me semble, cette hypothèse, elle a un peu le même défaut que celle de Weimar, à savoir que l'Égypte est considérée comme un endroit négatif ou comme un endroit où ça se passe de manière dangereuse pour Israël, alors que finalement, on voit que le pharaon se comporte quand même de manière exemplaire. C'est pour cela, ce que je vous propose d'abord, et puis je ne sais pas la solution, bien sûr que non, mais c'est d'abord de lire ce texte comme un récit, un anti-exode. C'est un récit qui prend le contre-pied de la tradition de l'exode. Il me semble que le narrateur ou l'auteur connaît, ça je pense qu'il y a pas de souci, on a déjà vu avec les plaies et aussi avec Chalar, mais que tout en connaissant la tradition de l'Exode, qui est hostile à l'Égypte, n'est-ce pas ? Si vous lisez le livre de l'Exode, bah, l'Égypte, c'est vraiment l'ennemi exemplaire, hein, aussi comme dans certains oracles prophétiques. Alors ici, ça se retourne. En Exode, le pharaon ne veut connaître le Dieu des Hébreux et refuse de laisser partir le peuple, je viens de vous le dire. Ici, le pharaon réagit immédiatement à la manifestation du Dieu d'Israël et laisse partir Abraham. dans l'histoire de l'Exode, les Hébreux doivent exiger, voire dérober, les richesses d'Égypte. Vous connaissez ce thème, vous allez dérober l'or et l'argent des Égyptiens. Ici, Pharaon donne sans contrainte des biens à Abraham. Et il lui laisse ses biens quand il ressort. Donc il me semble qu'il y a derrière ce récit un débat théologique sur la place ou l'utilisation de la tradition de l'Exode. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? Où est-ce qu'on va mettre en avant la tradition de l'Exode ? Ceux qui ont écouté M. Finkelstein, vous vous souvenez peut-être ce qu'il nous a dit, que, et puis ça, ce n'est pas lui qui l'a inventé, qu'à l'origine, c'est une tradition qui nous vient probablement du Nord et qui arrive en fait à la cour de Jérusalem après la disparition du royaume du Nord. Donc on peut dire que ça devient une tradition jérusalémite à ce moment-là. Et donc on pourrait imaginer que s'il est vrai que Genèse 12 veut critiquer, va subvertir la tradition de l'Exode, il a des liens avec Genèse 16 sur lesquels nous allons revenir. On peut donc dire que nous avons là une opposition peut-être l'aristocratie rurale contre le centralisme de Jérusalem. Parce que qu'est-ce qui se met en place à partir du 7e siècle, là aussi, M. Finkelstein nous l'a rappelé, c'est que Jérusalem veut en effet contrôler l'ensemble du royaume. Il y a cette politique de centralisation. Ça signifie aussi que les sanctuaires locaux comme Bethel, Hébron, qui est lié à Abraham et d'autres, sont menacés dans leur existence. Alors, est-ce que ça marchait ou non ? Ça, c'est notre histoire. Mais donc, on pourrait en effet imaginer que ce texte a été mis à écrit la première fois à l'époque de Josias, mais pas justement par les scribes de Josias, moi, je dirais plutôt par des gens, le sanctuaire des Hébron, par exemple, gardiens des traditions d'Abraham. Mais ça, évidemment, il faut le vérifier après l'analyse de Genèse 16. Plus tard, évidemment, à l'époque babylonienne, on a pu lire ce texte aussi autrement. On a pu lire ce texte aussi comme une polémique contre ceux qui quittent le pays, parce qu'en fait, c'est vrai, si vous lisez maintenant ce récit avec ce qui précède, juste arrivé dans le pays, et Dieu lui donne le pays, Abraham part tout de suite. Dans un contexte plus élaboré, ça peut aussi devenir une sorte de fable contre ceux qui veulent quitter le pays. Donc une insistance sur le fait que le pays où Abraham doit être, c'est bien en Palestine. Alors que le pharaon, quand même, n'est pas dépeint de manière négative. On peut imaginer que ces deux récits, 12 et 16, et pas, je vais vous raconter tout de suite une histoire, ça va faire la pause du milieu, qu'en effet, ces récits se basent sur une tradition populaire. Ce n'est pas la mise par écrit d'une tradition orale, parce que c'est bien trop bref, bien trop sobre, mais il y a une structure, un genre qui s'adapte bien à ce qu'on peut appeler les récits populaires. Ça, c'est Fanzeter qui a beaucoup insisté là-dessus, qui a une situation de crise au départ. On va voir ça aussi plus tard avec Hagar. Il y a un plan pour contrer la crise. Donc Abraham qui dit « Fais te passer pour ma sœur ». Le plan est exécuté, mais il y a une nouvelle situation qui rend les choses encore pires. Il y a une intervention inattendue de l'extérieur, et puis il y a des conséquences qui peuvent être positives ou négatives. Et ce que Fanzeter a fait remarquer, et puis je ne peux pas résister quand même à vous le faire connaître aussi, c'est qu'il y a une anthologie des récits populaires des fellahs en Palestine au début du XXe siècle qui ont été mises par écrit par Schmitt et Kahle, pour ceux qui lisent l'allemand, c'est magnifique, seulement bah, ça n'a pas été traduit. Et là-dedans, vous avez une histoire, un récit populaire qui s'appelle « La femme déguisée ». Alors, je vais vous raconter l'histoire de la femme déguisée. Donc on est au XXe siècle, donc c'est totalement anachronique, mais... Alors, est-ce qu'ils connaissaient la Bible ? C'est pas des gens qui lisent la Bible. Et puis, c'est un peu différent quand même. Mais écoutez, voilà. Il y a un fella au nom de Abu Hassan qui avait une femme extrêmement belle. Et il était fou amoureux d'elle. Pour elle, rien n'était trop cher pour lui. Or, ils avaient un voisin. Celui-ci était tombé amoureux de la femme. Un jour, celui-ci demanda à la femme ce qui n'est pas bien. La femme le raconta à son mari. Celui-ci dit « Par Dieu, je vais la vêtir d'habits d'homme pour que notre voisin ne la reconnaisse pas. » Il lui acheta des vêtements, un foulard de soie, une veste en soie. Cela la rendit encore plus belle. Le soir, elle était assise sur une natte devant la maison, le foulard drapé autour de la tête. Son mari était assis devant elle, ivre de sa beauté, et lui raconta des histoires. Alors le voisin rentra chez lui, la pioche sur l'épaule, la regarda, et voici, elle ne lui était pas inconnue. Il s'approcha, souhaitant le bonsoir, et dit « D'où vient ton invité, Abu Hassan ?» Il dit « En effet, c'est notre ami Abu Ali de Bouram. » Le voisin jeta la pioche dans le coin, se rapprocha de l'invité pour le saluer. Il commença à l'embrasser et dit « Que Dieu te donne la force, Abu Ali. Que Dieu te donne une longue vie, Abu Ali. Comment cela va, Abu Ali? Comment va ta famille, Abu Ali ?» Pendant qu'il n'arrêta pas de l'embrasser, son mari était sur des charbons ardents et il se dit « Qu'est-ce que nous avons fait? Si nous étions restés ce que nous sommes, nous serons plus en sécurité. » Mais l'histoire n'est pas finie. Comme ils étaient installés, trois bédouins arabes se dirigèrent vers la maison d'Abu Hassan. Bienvenue. Il leur prépara des nattes à l'entrée de la maison et ils s'installèrent à côté de notre ami Abu Hassan. Abu Hassan amena la poêle, le battoir pour le café et le pilon et leur prépara du café. Son voisin était rentré chez lui pendant un moment. Quand il revint, il les invita tous à dîner et prêta serment par son divorce que personne d'autre n'aurait le droit de les nourrir. Il tua un chevreau, le fit cuire et prépara le repas. Il revint et prit les invités par leurs vêtements. Abu Hassan dit « Voici, voisin, pour ce qui concerne Abu Ali, donc la femme, c'est moi qui m'en occupe. J'ai déjà préparé le repas. Mais celui-ci dit au nom de Dieu qu'il ne mange rien dans ta maison ce soir. » Et il prêta serment par son divorce. Ainsi, elle alla avec les invités. Après le repas, le café, Abu Hassan dit « Voisin, laisse Abu Ali dormir dans ma maison. » Il répondit « Sur moi le divorce, donc que je sois maudit si je t'accorde cela. Il ne dormira que dans ma maison. » Et il préparait la couche pour les bédouins. Comme la pièce principale était trop étroite, il prépara la couche pour notre ami Abu Ali dans l'estrade des invités et sa couche à lui, à côté de lui. Les invités avaient fait un long voyage et s'endormirent aussitôt profondément. Lui, le voisin, dressa le piquet, donc un langage fleuri, vers Abu Ali. Un des invités se leva à minuit pour un besoin urgent, alors il entendit le voisin halter et Abu Ali gémir. Le lendemain, le mari de la femme arriva à la première heure, hors de lui, et un des bédouins lui dit « Au nom de Dieu, on ne peut pas passer la nuit dans votre village. » Il demanda « Pourquoi ?» Il répondit « Vous violez l'invité. Que Dieu vous extermine dans ce village. » Il demanda « Mais que se passe-t-il ? » Et on lui répondit « Notre hôte était couché toute la nuit au-dessus d'Abu Ali. » La femme rentra, déshonorée, et fit comme si elle était en colère. Elle dit « Tout cela vient de ton plan. Que tes parents soient maudits. » Voilà. Alors, si vous suivez un tout petit peu, vous voyez que c'est un peu cette même structure. Il y a une crise. Il y a un plan pour résoudre la crise, l'exécution du plan, donc on la déguise en homme, mais justement ça ne marche pas parce qu'il y a une intervention inattendue de l'extérieur et puis les conséquences. Et comme en Genèse 12, en fait, les seuls qui portent le nom, des noms, c'est le mari, donc Abou Hassan, et la femme, mais qui porte un nom déjà travesti, donc Abou Ali. Les autres restent anonymes. Donc je ne veux pas dire qu'il y a un lien direct, mais juste pour vous dire que à l'origine de cette histoire qui, maintenant, comme je viens de vous le dire, sert surtout à critiquer la tradition de l'Exode, vous pouvez bien, évidemment, avoir un matériau qui nous vient de la tradition orale et que le narrateur a utilisé. On ne va pas inventer des choses à partir de zéro, n'est-ce pas ? On va toujours s'inspirer des récits. Et je pense que c'est exactement ce qui nous est arrivé avec Genèse 12. Maintenant, si vous lisez attentivement le texte, donc on va revenir un petit moment encore à Genèse 12, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de questions dans le récit qui sont laissées ouvertes. Quelles sont les vraies motivations d'Abraham ? Est-ce qu'il a peur ? Est-ce qu'il veut s'enrichir ? Pourquoi il fait ça ? Quelle est la réaction de Sarai ? Elle dit rien dans le récit. Les richesses du patriarche posent une question un peu d'ordre éthique, moral, n'est-ce pas ? Il les a eues par son mensonge. Les plaies, c'est quoi comme plaies ? Et comment faut les interpréter ? Et finalement, l'intégrité de Sarai. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans la... Donc, très vite, ce texte a provoqué toutes sortes de réinterprétations, notamment dans les chapitres 20 et 26, dont je vais vous parler dans un instant. Mais je voulais d'abord quand même brièvement mentionner un texte que vous pouvez aussi trouver en traduction française. C'est ce qu'on appelle l'apocryphe de la Genèse. C'est un texte découvert à Qumran, ou un texte malheureusement fragmentaire, donc là vous avez des fragments. Un texte qui re-raconte la Genèse, malheureusement pas en entier, et qui donne beaucoup d'attention à notre histoire, tout en mélangeant probablement déjà les versions de Genèse 12 et de Genèse 20. J'aimerais vous dire tout de suite, on va insister sur le fait que le stratagème d'Abraham, ça ne lui vient pas tout seul, il a un rêve. Il a un rêve en Égypte, il va à un cèdre qui risque d'être abattu et qui est sauvé grâce à la protection d'un palmier. Évidemment, il sait interpréter ce songe de palmier, c'est évidemment Sarah. Et puis, donc, cela veut dire que l'idée n'est pas venue de sa propre initiative, mais lui a été communiquée par un songe, donc par la divinité, parce que les rêves sont toujours des moyens par lesquels les dieux communiquent avec les hommes. Et puis, il y a une description, alors ça aussi, il faut le lire. La beauté de Sarah, elle n'est pas mentionnée en passant. Il y a toute une description de la beauté de Sarah qui ressemble à cette poésie arabe où on se plaît, comme aussi un peu dans le Cantique du Cantique, on se plaît en fait de décrire la beauté de celui ou de celle qu'on aime, ses pieds comme ils sont beaux et comme sont parfaites en elle ses jambes, plus que toutes les femmes, elle est pleine de beauté, sa beauté l'emporte sur celle de toutes les femmes, etc. etc. Donc on va insister lourdement sur la beauté de Sarah, et on va surtout noircir le pharaon. C'est-à-dire, en Genèse 12, Abraham dit simplement « on va vouloir me tuer ». Rien n'est dit de cela. Alors, dans l'apocryphe de la Genèse, évidemment, Pharaon va essayer, en fait, de tuer Abraham. Hein, donc, pour justement montrer que sa crainte était tout à fait juste. Et c'est Abraham, en fait, qui sauvait in extremis par Sarah, va verser des larmes abondantes faire des prières. C'est lui-même qui fait des prières pour demander à Dieu d'intervenir pour sauver Sarah. Donc là aussi, Abraham, c'est celui qui provoque l'intervention de Dieu. Et donc, c'est Dieu qui, en fait, va envoyer un esprit de châtiment qui fait que Pharaon ne peut s'approcher de Sarah, donc le mariage n'est pas consommé. Et la plaie dure plus de 2 ans, avec un thème qu'on retrouve par ailleurs dans la Bible, une plaie, un problème que tous les spécialistes du Pharaon sont incapables, en fait, de résoudre. Et c'est Pharaon qui va chercher Abraham pour qu'il intercède en sa faveur. Et maintenant, c'est Lot, tout un coup, qui informe le Pharaon que c'est Abraham, ou disons, si c'est le fait qu'il a pris la femme d'Abraham, qui est à l'origine de ces problèmes. Donc, ce qui est intéressant, on va aussi faire intervenir Lot, alors que, justement, le texte biblique ne le mentionne pas. Mais selon la logique, si on prend tout le récit, évidemment, Lot doit faire partie du lot, justement. Et donc, c'est lui qui intervient. Alors, ensuite, c'est en effet, Abraham fait un rite de guérison en imposant ses mains à Pharaon, et aussi les cadeaux ne lui sont donnés qu'à la fin, donc après la découverte de la supercherie. Donc, vous voyez, c'est typiquement un travail qu'on peut appeler midrashique, c'est-à-dire tout ce qui pose problème, on va le reprendre, on va le raconter autrement. Mais cela ne commence pas seulement avec l'apocryphe de la Genèse. Cela commence en fait à l'intérieur de la Bible même, et avec justement les deux autres récits, 20 et 26, qui racontent encore une fois cette histoire. Maintenant, il y a beaucoup de théories, je reviendrai là-dessus. Comment faut-il voir le lien entre les trois récits ? Alors, dans la théorie traditionnelle des documents, on avait souvent postulé qu'il y avait un récit primitif, un peu comme ceux qui sont un peu au courant de ce qu'on dit sur les évangiles, qu'il y avait une sorte de source Q qui a inspiré après les différents évangiles. Donc là, on pensait qu'il y avait un récit primitif sur lequel s'est basé à la fois l'auteur de Genèse 12, qu'on appelait souvent ou qu'on attribuait aux Yavistes, l'auteur de Genèse 20, qu'on attribuait à l'Éloïste, et celui de Genèse 26, on était un peu moins sûr à qui il fallait l'attribuer, aux Yavistes, aux Jéhovistes, peu importe. Donc ça, c'est un modèle. Mais évidemment, si on applique ce qu'on peut appeler le rasoir d'Occam, il ne faudrait pas prendre ce modèle-là. J'aurais d'ailleurs les mêmes problèmes aussi avec la source Q, parce que personne ne l'a encore vu, bien qu'on l'a reconstitué. Donc, en fait, aussi longtemps qu'on peut expliquer la relation entre les trois textes par les trois textes eux-mêmes, il n'y a pas besoin de postuler un récit plus ancien qu'on doit reconstituer. Et je pense qu'un autre modèle pourrait être que le texte le plus ancien, c'est Genèse 12, 10 à 20, et que 20 et 26 sont tous les deux des réactions à celui de 20. C'est ce que j'aimerais vous démontrer. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous convaincre. Et après, il faudra encore voir quelle est la relation entre 20 et 26. Là, nous allons le voir dans un autre moment. Théoriquement, on pourra aussi encore mettre 20 comme texte de base, mais ça va être compliqué, ou 26 même comme texte de base. On y reviendra au fur et à mesure. Pour le moment, donc, intéressons-nous à Genèse 20, que je vais vous traduire. Donc, c'est un texte qui se situe dans la narration du livre, si on le prend d'abord où il est, entre donc la destruction de Sodome et Gomorre, mais qui est accompagné, et ça on l'oublie souvent, par une histoire de naissance, un peu compliquée, ou disons compliquée, un peu douteuse, parce que c'est les filles de Lot, qui vont saouler leur père pour coucher avec lui, pour avoir une descendance, parce qu'on dit qu'il n'y avait plus personne sur la terre, donc une sorte de déluge par le feu. Donc il n'y a que les deux filles et Lot, donc on va saouler le père et puis on va avoir une descendance qui sont donc les Moabites et les Ammonites. Et après ce récit, il y a la descendance d'Abraham. Parce que c'est tout de suite après ce récit de Genèse 20 qu'on va dire Sarah va enfanter Isaac pour Abraham. Donc c'est un texte que les rédacteurs ont mis en lien avec la question de la descendance. Et puis nous allons voir que ça joue aussi un certain rôle dans ce deuxième récit. Voilà. Alors, ce récit commence par Abraham décampa de là. Alors, où est-ce qu'il est ? Si on prend le contexte, il est probablement à Hébron, c'est pas dit. Abraham décampa de là pour le pays du Négev, pour le sud. Il habita entre Kadesh et Shur. Il séjourna comme Ger de nouveau à Gera. Ger et Gera. Abraham dit à Sarah, dit de Sarah sa femme, elle est ma sœur. Abimélec, le roi de Gera, envoya des hommes et il prit Sarah. Donc la version grecque ajoute encore, elle est ma sœur, car il avait peur de dire, elle est ma femme, de crainte que les hommes de la ville ne le tuent à cause d'elle. Mais là, c'est clairement, évidemment, une volonté d'harmoniser, de renvoyer à Genèse 26 et d'être plus explicite. Donc, ce n'est certainement pas la version antérieure. Et évidemment, je vous rappelle que le verbe « prendre » peut en effet signifier « prendre comme épouse » ou « avoir des rapports sexuels ». Justement, jusqu'à là, l'auditoire s'est dit « donc de nouveau, il a couché avec Sarah ». Mais, justement, Dieu vint vers Abimélec dans un rêve, la nuit, et lui dit « voici que tu vas mourir ». À cause de la femme que tu as prise, car elle appartient à un homme. Tout jeune peut se dire qu'il a consommé le mariage. Cependant, voilà, on est rassuré. Cependant, Abimélec ne s'était pas approché d'elle et il dit, Seigneur, tueras-tu, alors là il y a un problème de traduction, tueras-tu un peuple ou tueras-tu un païen, même s'il est juste ? Parce que vous avez en hébreu le mot « goy », qui signifie en hébreu biblique d'abord un peuple, une nation, si vous voulez. Mais ici, c'est un peu curieux. Pourquoi Dieu dit d'abord pas du tout qu'il va tuer tout le peuple, il va dire « toi, tu vas mourir ». Donc, il faut se poser la question si, dans ce texte-là, si c'était vrai, ça nous aiderait à le dater. Si dans ce texte-là, Goy n'a pas déjà le sens qu'il va ensuite recevoir dans la tradition rabbinique, le païen. Et à ce moment-là, on peut évidemment comprendre pourquoi c'est utilisé au singulier. Mais si c'est cette signification-là, ça nous dit déjà quelque chose sur l'âge de ce texte. Ça ne peut pas être un texte très, très ancien. On reviendra là-dessus. N'est-ce pas lui, donc Abimélec continue, n'est-ce pas lui qui m'a dit, elle est ma sœur. Et elle est aussi, elle a dit, il est mon frère. Je fais cela dans l'intégrité de mon cœur et la pureté de mes mains. Alors là, maintenant, je traduis par la divinité lui dit, dans un songe, parce que vous avez ce mot « Elohim » avec l'article, ce qui peut aussi nous aider peut-être à dater, parce que le livre où on a ça très très fréquemment, « Elohim » plus l'article, dont la Genèse est très rare, dont la Genèse est seulement dans l'histoire encore du sacrifice d'Abraham, mais il y a un livre où c'est très très fréquent, c'est en effet le livre de l'Ecclésiaste, Coëlette, où c'est souvent « Ha Elohim ». Donc on peut peut-être là faire aussi des rapprochements. Donc, la divinité, Ha Elohim, lui dit dans un songe, « Moi aussi, je sais que tu as fait cela dans l'intégrité de ton cœur. Et c'est moi qui t'ai empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis qu'on la touche. » Je passe les petits détails grammaticaux. Ça, c'est pour les spécialistes qui pourront regarder ça tranquillement. Et maintenant, rend la femme de l'homme. En effet, c'est un prophète. Il priera pour toi pour que tu restes en vie. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tout ce qui est à toi. » Abimélec se leva tôt le matin, donc c'est un songe, c'est la nuit. Il appela tous ses serviteurs et leur dit toutes ces paroles, et les hommes éprouvèrent une grande crainte. Retenez le mot « crainte ». Abimélec appela Abraham et lui dit, « Que tu nous as fait ? En quoi ai-je péché contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un grand péché ? Tu as fait avec moi ce qu'on ne fait pas. » Donc là, il y a un petit problème aussi, que dans le Syriaque, c'est ton serviteur à toi. Donc, ce qui semble sous-entendre que là, il dit « qu'est-ce que j'ai fait ?» au lieu « qu'est-ce que tu nous as fait ?» c'est sans doute une harmonisation avec la suite, puisqu'après, il y a « en quoi ai-je péché ?» mais ça ne change pas profondément. Abimélec dit à Abraham, « qu'avais-tu en vue pour commettre cette action ?» De nouveau, déjà, un autre indice pour dater le texte, parce que c'est la racine « ra'a », voir, littéralement, c'est voir. Qu'est-ce que tu as vu pour commettre cette action ? Et c'est pourquoi des commentateurs, des éditeurs de la Bible veulent changer le « ra'a », voir, en « yare », craindre, hein, parce que c'est très, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est très proche. Donc, pourquoi as-tu eu peur ou qu'est-ce que tu as craint pour dire ça ? Mais ce n'est pas nécessaire. Parce que, de nouveau, dans l'hébreu post-biblique, « ra'a » peut avoir le sens « avoir en vue », qu'est-ce que tu as pensé. C'est presque le sens de penser. Qu'est-ce que tu t'es mis dans la tête, hein ? Et donc, de nouveau, si « ra'a » a cette signification-là, nous, on a des indications pour dater notre texte. Abraham dit « Je me suis dit, certainement, il n'y a pas de crainte de Dieu dans ce lieu. » Et ils me tueront à cause de ma femme. D'ailleurs, elle est vraiment ma sœur. Elle est la fille de mon père, cependant, elle n'est pas la fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Et lorsque les dieux, Abraham utilise le pluriel, lorsque les dieux m'ont fait errer loin de la maison de mon père, je lui ai dit, c'est la loyauté que tu pratiqueras à mon égard en tout lieu où nous arriverons, dit il est mon frère. Donc là, on a l'impression que c'est un stratagème qui est bien rodé, n'est-ce pas ? Chaque fois, elle passe quelque part, elle se fait passer pour sa sœur. Donc évidemment, le fait que Abraham parle ici des dieux au pluriel a incité quelques manuscrits de changer au singulier, notamment le Samaritain, Pentateuque Samaritain. Mais là, on voit très clairement que c'est une volonté de faciliter le texte, n'est-ce pas ? Parce qu'Abraham qui parle comme un polythéiste, c'est quand même un peu difficile. Et puis, il ajoute aussi « Quand les dieux m'ont fait loin de la maison de mon père et du pays de ma parenté pour encore renforcer le lien avec le début de l'histoire d'Abraham en Genèse 12. Abimélec prit du petit bétail, du grand bétail, des serviteurs et des servantes, il les donna à Abraham, puis il rendit Sarah, sa femme. Puis on ajoute encore dans certains manuscrits 1000 pièces d'argent, comme dans le verset qui va suivre, mais à mon avis, là, il y a une confusion parce que les 1000 pièces d'argent, on va le voir, c'est un cadeau qui est lié à une certaine compensation pour ce qui est arrivé à Sarah. Alors, verset 15, Abimélec dit « Voici mon pays, se trouve devant moi, habite là où bon te semble. » Quant à Sarah, il lui avait dit « Voici, je te donne 1000 pièces d'argent pour ton frère, disons 1000 littéralement pour ton frère, voici que ce sera pour toi une couverture des yeux pour tous qui sont avec toi, et avec tout cela, ou en tout cela, tu seras réhabilité. » C'est aussi assez compliqué, je ne vais pas aller dans le détail, le texte massorétique n'est pas vraiment traduisible, littéralement c'est « et avec tout, et tu es justifié », c'est certainement un problème de mauvais découpage des mots, donc il faut transposer le « vav » juste un mot, donc il faut comprendre « avec » ou « simplement un indicateur de l'objet. Donc avec tout cela, tu seras réhabilité. Abraham pria Ha-Elohim, la divinité, et Dieu, Elohim, guérit Abimelech, sa femme, ses servantes, et ils eurent des enfants. En effet, Yahvé avait fermé tout ventre maternel dans le palais d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Voilà la deuxième version qui est à la fois parallèle, mais quand même aussi assez différente. Donc je pense que vous avez déjà remarqué un certain nombre de différences par rapport au premier récit. Quand on regarde le plan, il est assez différent. Il est entouré par une narration qui commence en fait avec la perturbation d'un ordre par ce discours d'Abraham sur Sarah, où il dit « Elle est ma sœur », et par la réaction d'Abimelech qui prend Sarah. Et à la fin, cet ordre est rétabli, parce qu'au lieu de prendre Sarah, au verset 14, Abimelech prend maintenant du bétail. Il rend Sarah. Et il invite Abraham à habiter chez Abimelech. Et ce qui est intéressant aussi, lorsque Abimelech donne des cadeaux à Sarah, il dit « Voilà pour que tu es arrivé ». Et il parle d'Abraham comme étant le frère. Faut que je vous reprends le verset parce que c'est quand même assez intéressant. Voici, je te donne 1000 pièces d'argent pour ton frère. Alors qu'Abraham avait justement dit, elle est ma sœur. Alors, est-ce que c'est ironique ou est-ce qu'il accepte ce qu'Abraham lui dit, qu'elle est en effet aussi sa sœur ? Et finalement, il y a l'intervention d'Abraham en faveur d'Abimelech et l'intervention de Yahvé en faveur de Sarah. Donc les deux, en fait, le cadre narratif se correspond. Et puis au milieu, vous avez deux dialogues qui justement servent au rétablissement de l'ordre. D'abord un dialogue entre Elohim, Dieu et Abimelech, avec l'accusation, la défense et la réaction d'Abimelech et de ses hommes, qui est marquée par la crainte. Et un deuxième dialogue qui, en Genèse 12 et tout à la fin, mais qui est au milieu maintenant, le roi avec Abraham, avec accusation et une double défense. En Genèse 12, Abraham ne se défend pas du tout. Ici, il y a une double défense d'Abraham et où il dit justement qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Et ça, c'est un thème très, très important. Donc, on voit que le récit est structuré quand même différemment que celui de Genèse 12. Donc, il est lié vraiment à l'idée comment rétablir l'ordre, mais il est aussi, contrairement à Genèse 12, lié à l'idée qu'Abraham, à la fin, puisse s'installer, habiter, yachav, chez Abimelech. Alors, question rituelle, est-ce que ce texte a été écrit par un seul auteur ? Qu'est-ce que vous pensez ? Il y a quelques petits problèmes. Le premier, ça concerne la fin. Tout au long de ce texte, on a parlé de Elohim ou de Ha-Elohim. Et dans le tout dernier verset, en effet, on retrouve maintenant « Yahvé avait fermé tout ventre maternel dans le palais d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham ». D'ailleurs, ce verset 18, il vient en effet un tout petit peu en retard parce que l'histoire est terminée en 17 puisque Abraham prie Dieu, il guérit Abimelech, sa femme, et tout le monde peut avoir des enfants. Puis après, on peut passer à l'histoire suivante. Donc là, on pourrait imaginer que le verset 18 est dû à un rédacteur « yaviste », entre guillemets, qui veut bien préciser que ce « Elohim » ou « Ha-Elohim » dont on parle tout le temps, que c'est bien évidemment Yahvé et personne d'autre. Notre petit problème qu'on pourrait évoquer, c'est que au verset 9, Abimelech appela Abraham et lui dit « Que nous tu as fait ?» Abraham ne répond rien du tout. Et au verset 10, Abimelech commence de nouveau à parler en disant à Abraham, qu'avais-tu en vue pour commettre cette action ? Donc, puisqu'il y a deux fois une introduction à un discours, alors qu'il n'y a pas d'interruption du discours, puisque Abraham dit rien. On pourrait imaginer que le verset 10 aurait aussi ajouté après coup, mais en même temps, il y a quand même deux choses différentes. Le 9, c'est une sorte d'accusation avec cette même formule que nous avons vue en Genèse 12, que tu nous as fait. C'est en fait une rhétorique, alors que le 10 veut vraiment savoir ce qu'il avait en tête pour faire cela. Donc, à mon avis, il n'y a pas besoin de séparer ces deux versets sur le plan diachronique. Il y a un petit détail au verset 1, le fait qu'Abraham ne décampe pas de là pour le Negev, et puis cette annonce qu'il habita entre Kadesh et Jour. En fait, c'est bizarre qu'il habite là parce qu'il va habiter chez Abimelech plus tard. Habite là où bon te semble. Donc, il me semble qu'avec cela, le verset 1 est interrompu et probablement parce que, ben, on va voir pourquoi, parce qu'on veut faire un rapprochement avec l'Égypte et peut-être aussi avec Genèse 16. Donc, si on doit résumer, on peut dire, sauf le verset 18, le dernier verset, et peut-être cette petite insertion au verset 1, peut lire ce texte comme étant l'œuvre d'un seul auteur. Bien, quelle est la fonction de ce récit ? On va encore faire ça, puis je vous relâcherai. Alors, c'est un texte, évidemment, aussi qu'on doit reprendre encore un petit peu la semaine prochaine, mais c'est un texte qui, d'abord, à mon avis, et clairement, ou on peut clairement le comprendre comme une réponse à Genèse 12. Donc le premier midrash de Genèse 12, ce n'est pas l'apocryphe de la Genèse dont je vous ai parlé à un moment. Le premier midrash de Genèse 12, c'est Genèse 20. Parce qu'il explique un certain nombre de questions, des problèmes qui ont été posés par Genèse 12. Pourquoi et comment Yahvé a-t-il frappé le roi ? Genèse 12, on ne dit pas. Ici, Dieu intervient dans un songe auprès du roi et lui explique toute la situation. Donc on sait pourquoi le roi est au courant de tout ce qui s'est passé. En Genèse 12, on ne sait pas comment Pharaon était au courant, on ne sait rien. Ici, on dit très clairement que c'est dans un songe que Dieu intervient. La situation de Sarah. Donc, je vous ai dit, en Genèse 12, le mariage semble être consommé. Ici, on va insister sur le fait que le roi n'a pas touché la femme. Donc, on va jouer même avec la racine frapper, toucher, naga. En Genèse 12, c'est Dieu qui touche Pharaon. Là, en Genèse 20, le roi ne touche pas Sarah parce que Dieu l'a empêché. La nature des coups est également expliquée parce que le texte dit donc très clairement que c'est soit l'impotence du roi ou la stérilité qui s'est abattue sur la maison de Abimelech, ce qui est en effet dit « C'est moi qui t'a empêché de pécher contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas permis qu'on la touche. » Donc Dieu intervient et Pharaon ne peut pas s'approcher de Sarah et à la fin, on va encore une fois le préciser. Et le mensonge d'Abraham, ce n'est pas vraiment un mensonge. Puisqu'il va dire, enfin, ce n'est pas tout à fait faux, elle est ma demi-sœur. Ce qui pose un autre problème, comme nous allons le voir la semaine prochaine, parce que si Abraham a épousé sa demi-sœur, il a transgressé tous les codes législatifs de la Torah. Ben oui. Alors, et finalement, les richesses d'Abraham, en Genèse 12, nous avons vu que ces richesses lui ont été données alors comme sorte de dot. Ici, c'est la récompense pour le tort que Abimelech mais sans le savoir a fait à Sarah et aussi à Abraham. Voilà, il y a un certain nombre de détails que j'aimerais encore vous présenter, mais peut-être on va le faire la semaine prochaine. Juste peut-être encore un mot sur Abimelech. Qui est Abimelech ? Comme ça, on a déjà résolu la question. Donc, Abimelech, c'est donc le même type de nom que celui d'Abraham, c'est-à-dire se construit de la même manière avec Av, un nom théophore, et puis une racine substantivée, mon père est roi, ou le père est roi, donc probablement dit de la divinité. On trouve ce nom déjà dans les correspondances de El Amarna, où Abimelech ou Abimilku apparaît comme un roi de Tyr, donc beaucoup plus au nord. Et dans la Bible, ce Abimelech, c'est surtout le nom d'un fils de Gédéon, dans le livre des Juges, qui veut instaurer en fait la royauté. Donc du coup, il porte en effet un titre tout à fait. Donc, c'est pour cela les titres, les noms sont jamais par hasard. Il porte un nom tout à fait, comment dire, adéquat. Il veut instaurer la royauté, mais il échoue de manière vraiment radicale. Alors pour un Abimelech, roi des Philistins. Genèse 20 ne dit pas expressément que c'est un roi des Philistins, c'est au 26, mais à la suite, en Genèse 20, il y a bien question aussi, en 21, pardon, il y a bien question aussi des relations avec les Philistins. Donc il n'y a pas de roi philistin qui porte ce nom. D'ailleurs, ce qui pose un autre problème, puisque on y reviendra, les Philistins n'arrivent que vers 1200 dans ces zones-là, donc pour l'historicité des patriarches. Tout ça est compliqué. Donc, l'historicité est peu probable. Excuse-moi. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est un peu comme Pharaon, c'est-à-dire Abimelech, c'est un peu le roi par excellence, comme Pharaon du côté de l'Égypte. Là, il faut quelqu'un qui a dans son nom l'élément roi. Et puis, il y a peut-être même une sorte de jeu de miroir entre Abraham et Abimelech, donc les deux pères qui se confrontent. Alors, si on veut un modèle pour ces Abimelech, on pourrait peut-être penser à un prince philistin qui s'appelle Achi, donc avec frère, non pas Avi, Achi Milki, et qui est en effet attesté dans des documents assyriens comme régnant donc sur la ville d'Ashdod. Mais je vous parlerai des Philistins aussi la semaine prochaine, donc c'est important. Voilà. Alors, nous allons donc la semaine prochaine nous interroger pas seulement sur le caractère midrashique, ça nous l'avons fait, mais nous allons aussi voir qu'à côté de cela, ce texte a bien d'autres choses encore qu'il veut faire passer, et c'est des choses très très différentes. Et puis avant que vous partiez, j'aimerais aussi déjà vous annoncer, on vous amènera un peu la documentation la semaine prochaine, un colloque qui va être organisé donc en coopération avec la chaire d'assyriologie qui ne va pas parler d'Abraham, on aura pu aussi en parler, mais il est peut-être un peu âgé, encore que. Le colloque portera sur le jeune héros, des figures de jeunes héros, où on va donc comparer des figures comme Moïse, David, Sargon, Gilgamesh, Daniel, j'en oublie d'autres, Esther, donc c'est aussi des héroïnes. Voilà, donc cela aura lieu les lundis et mardis 6 et 7 avril. Et puis, donc, vous êtes évidemment conviés à écouter ce colloque. Voilà, on vous donnera plus d'informations la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et vous retrouve donc jeudi prochain. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.